Planet Rap. Ça, c'est via LD, ça, gros. Five. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h21h, ce soir. Planet Rap Vald. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Monsieur Vald qui est là. Si, si, si. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Deux jours de la sortie, deux jours de la sortie. Le 25, c'est vendredi, ça n'a pas bougé. Parfaitement. C'est la sortie du projet NQNT2. NQNT2, vendredi dans les bacs, à la Fnac, partout. Partout, partout. Absolument. Venu accompagné comme chaque soir. Voilà, particulièrement avec, accompagné. Voilà, avec la fine équipe, voilà. Plus quelques personnalités en plus, j'ai envie de dire. C'est la famille, on peut dire. Des personnalités qui t'accompagnent, qui t'ont soutenu pour ce projet aussi. Parfaitement. On commence par qui ? Allez, on refait le tour de table. Allez, vas-y, vas-y, je te laisse faire le. Alors, on a Tefam à droite, Tefam, gros alias producteur. Tefam fabuleux, voilà, pour les intimes. Voilà, voilà, à gmail.com. Sale bâtard. Ah, c'est le. Hein, c'est le vrai ? Mais non, non. Non, mais je fais exprès parce que ça lui donne de. Du contenu. Ouais, du contenu, le mec, je balance en direct. Vas-y, hein. Voilà, donc que de l'amour sur Tefa. À ma gauche, Suicon, Blagaz, Aga délégué. Avec beaucoup d'amour aussi qui est là tous les soirs, hein, quand même. Tous les soirs, le frérot, voilà. Toujours pas lassé, ça va, non ? Bah non, ça va. Ok. Sinon, je serais pas là. C'est vrai, en même temps. On continue ? Et bien sûr, et à la gauche de Suicon, Blagaz, Aga délégué, Bachir, Bach, alias Tunisiano. Voilà, Tunisiano, voilà. Le grand. L'unique. Le grand, l'unique. Le seul. Le seul. Voilà. Le seul et unique. Voilà. Il n'y a pas d'arrobase, hein. Il n'y a pas d'arrobase. Pas d'arrobase. Bon, ça va ? Évidemment, tout un tas de gens. Sui Game est dans la place. On t'a pas encore entendu, t'es passé discrètement. C'était quand c'était. Oui, DJ Widim, qu'on salue. Lundi. Lundi, tu passes 3-5-7. Piou, piou, piou. Et toute l'équipe. Je laisse finir et après. Je laisse finir, après on attaquera. Un petit mot sur ce projet tunisien, toi qui est là depuis le début, qui nous parle de Val depuis longtemps. Bah écoute, on travaille sur lui depuis pas mal de temps déjà. Là, c'est le deuxième projet. On en est super fiers, super contents. On a bossé comme des acharnés. Là, ça se passe bien. Les clips sont plus fous les uns que les autres. Ah bah, on a été servis sur les images. Exactement. Je sais que tout le monde se régale par rapport à ça. Et puis après, voilà quoi. C'est un très très bon rappeur. Au-delà de ça, moi, je vais juste parler en tant qu'artiste. Sans parler j'enlève ma casquette de producteur. Je parle juste en tant que rappeur. Je trouve qu'il est très très chaud et il est très doué. C'est l'un des meilleurs de sa génération, je dirais. C'est bon d'être flatté, non ? Je suis très flatté. Mets bien ton casque, parce que c'est toi qui l'arsène depuis tout à l'heure. Ah, pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc très flatté par Tunisiano qui est là. Est-ce qu'il t'est quand même surpris sur ce projet ? Est-ce qu'il a réussi encore à te surprendre, Tunisiano ? Non, mais il me surprend à chaque fois. Franchement, entre les flows, entre les textes, entre les concepts, la première fois que j'ai écouté Bonjour, par exemple, j'avoue, j'étais à la fois bluffé, choqué, je savais pas comment l'interpréter, mais j'avoue que j'ai pris une vraie tarte. Donc, quand t'as entendu et ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé comme ça dans le rap. Donc quand t'as entendu aussi le morceau Poisson avec lequel on va débuter, ça a dû être aussi particulier, hein ? Exactement. Parce que je suis un poisson, je mange des algues, enfin. Voilà. Permets-moi. Oui, oui. C'est bien plus profond que ça. Oui, oui, bah, je me doute. Voilà. Je me doute que derrière chaque voilà, parole. Il faut être un initié, voilà. Il faut être dans la pyramide à un certain échelon pour interpréter. Voilà. Merde, j'ai pas encore assez gravi de marche. Dommage. Vous savez, moi j'y suis, moi, depuis que je traîne avec Val, ça y est, c'est bon. Et avec Tefa surtout. Voilà, en plus. Parce que... Alors là, j'ai grimpé, là je suis loin. Là. Voilà. Quelle loge déjà, Tefa ? C'est surtout Tefa qui a les compas. C'est Mercus qui a les numéros de loge. Parce que lui-même, il vient de rentrer il n'y a pas longtemps. Ah, il est introduit. Ouais, ouais, il a été introduit. Magnifique. Et Val est à fond là-dedans, lui. Écoutons donc ce message que tu as délivré sur ce projet. Un message que tu avais caché d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Écoutons. C'est un morceau caché de l'album. Il y en a plusieurs sur l'album. Caché, tout à fait. Il fait partie des surprises. Voilà. Si tu laisses tourner l'album, tu tombes dessus. Tu vas tomber dessus. Et voilà. Et c'est un morceau qui s'appelle Poisson. Parfaitement. Tu voulais ajouter quelque chose ? Parce que hier on a eu le droit en live, hein. Vous l'avez fait en live hier. Voilà, je pense qu'on a tout dit, on a tout donné sur le live. Je pense que là, faut l'écouter vraiment avec les oreilles de l'attention. Voilà. Eh ben, écoutons-le. Ouais. Poisson. NQNT2 le 25 septembre. Double feu. Double feu. Je suis un poisson. Je suis dans l'océan. Et j'ai les vagues. J'ai les algues. Je suis un poisson. Je suis dans l'océan. Et j'aime les algues. J'aime les algues. Je suis un poisson. Dans l'océan. Et j'aime les algues. Ouais. Et je suis un poisson. Hein. Perdu dans l'océan. Oui. Et puis j'aime les algues. Ok, j'aime les algues. Et puis j'aime les algues. Et je suis un poisson. Ok. Perdu dans l'océan. puis j'aime les algues. Putain, j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et je suis un poisson. Perdu dans l'océan. Oui, je suis un poisson. Qui adore les algues. Qui adore les algues, et les algues, et les algues, et les algues, et les algues, et je suis un poisson. Ah bon? Perdu dans l'océan. Et puis j'aime les algues. Oh oui, j'aime les algues. Et puis nique les fagues. Nique tous les faguettes. Tous les fagues, tous les fagues, tous les fagues. Et je suis un poisson. Oui, je suis un poisson. Et je suis impatient. Perdu dans l'océan. Oui, j'adore les vagues. J'adore les vagues. Et je suis un poisson. Et j'adore les vagues. Et j'oublie les phases d'avant. Je suis un poisson perdu dans l'océan. J'aime les algues. Ah oui, j'aime les algues. Je suis un poisson, je suis dans l'océan, et j'aime les vagues, oui j'aime les algues. Je suis un poisson, je suis dans l'océan, et j'aime les vagues, oui j'aime les algues. Voilà. Un morceau totalement lunaire ou en profondeur, tout dépend. Parfaitement unique, évidemment, en son genre. Un morceau qui est né comment, en fait, celui-ci? Il est né tout seul. Hein. Ouais. Ni père ni mère. C'est un peu comme Jésus, quoi. Ouais, ça, voilà, c'est l'univers. Voilà, c'est l'univers qui a poussé et qui, voilà, il est là. Tunisiano, ce morceau poisson, quand tu l'as entendu toi la première fois, tu t'es dit J'ai rigolé. J'avoue, j'ai bien rigolé. Mais bon, écoute, c'est Wald. Hein. Comment l'expliquer? Tu me poses une colle là. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, non, mais je suis un poisson. Voilà, une QNT, on est ensemble. Ni queue ni tête. Ouais, mais voilà, la métaphore, Il y a certains mecs à haute dose, ils comprennent très bien. Très haute dose. Très haute dose. Bon, envoyez vos messages aussi avec le hashtag Wald sur Skyrock. Je rappelle que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre à n'importe quel moment. Parfaitement, tu veux que je décroche, que je commence par décrocher. Vas-y, 06 71 74 okay, 84 15. Alors. Allô? Allô? Ah. Oui, bonsoir. Tu es un poisson. Ça va? Ça va bien, toi? C'est Soukoum Kazadé, là? Non, celui-là, c'est Wald. Ouais. Tu veux parler à Soukoum? Non, vas-y, vous tous, tranquille. C'est là, je crois, la radio, elle est pas en direct, attends. Comment t'appelles-tu, mec? Qui es-tu? Je m'appelle Michael, de 9 fois. Enchanté, Michael. Que me veux-tu? Alors, j'ai deux questions à te poser. Dis-moi. J'aimerais savoir si tu étais satisfait des premières ventes que tu as fait avec une QNT, hein, que ce soit en physique ou en digital, en fait. Parfaitement satisfait. Donc des ventes sur le premier projet NQNT. Parfaitement satisfait. C'était la teuf. On achetait des confettis, tout ça. Mais bon, il n'y avait pas trop de physique. Et la deuxième, tu viens d'où exactement, d'Aulnay? Aulnay Nord, Sud, Est, Ouest? Ah, ouais, Aulnay, tu sais, Aulnay. C'est Aulnay Sud. C'est Aulnay, quoi. Aulnay sous poteau, hein. Ouais, je sais. Non, c'est Aulnay Sud, derrière la gare. Ah. À chaque fois, je relis des questions sur un site, à chaque fois, on me demande où il habite, comme si je te connaissais. Genre. Eh ben, tu vas filer ton adresse maintenant, d'ailleurs, voilà. Wald. Alors, pour te retrouver à Aulnay. Ouais, non, je suis du côté de la gare derrière. Le côté riche, si tu veux, ouais. Ouais, genre, moi, je suis le côté nord, le pauvre. Ouais, l'horrible côté, je comprends. Big up à Fianso. Et ben merci en tout cas, Mickaël, d'avoir appelé. Merci, Mickaël, passe une excellente soirée à toi. Voilà, vous posez des questions à Wald. Bye bye. À très vite. Il y aura d'ailleurs du live tout à l'heure, hein, Wald, on l'a pas dit. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons un invité. Et j'allais le dire. Marc qui est arrivé. Quelqu'un qui est important pour toi. Qui est important, évidemment important. Non, parce que j'ai lu que c'était un mec, voilà, que tu appréciais énormément. Oui, non, c'est quelqu'un que j'ai énormément écouté, tout à fait. Voilà, t'as voilà, beaucoup écouté. Voilà, et maintenant on s'appelle pour rien. C'est un autre rapport, c'est quelque chose d'autre. Hein. Il est derrière toi. Hein. Voilà, il est derrière moi. C'est très inquiétant. Al Capote est dans la place, voilà. Al Capote, est-ce qu'on peut trouver un endroit à Tofa? C'est bien, tu te délègues pour laisser ta place à Al Capote qui arrive dans le studio. Comment ça va, monsieur Al Capote? Pute. Voilà, ça va très bien. A priori, ça va donc très bien. Quand c'est 4 fois pute, c'est que généralement, c'est très en forme. Hein. Relax, Max. Ça va? Relax, Max. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur Val, toi? Tu l'as écouté la première fois, c'était quand d'ailleurs? Ça fait un petit moment. Hein. Ça fait un petit moment. C'est tout. C'est quelqu'un que tu apprécies? Ouais, j'apprécie fortement. J'apprécie pas grand monde. C'est pour ça que je te demande ça, ouais. J'apprécie de tout mon cœur. Chiche.

le 10 octobre à Metz, le 16 octobre à Ivry, le 17 à Montreux en Suisse, le 31 octobre à Tulle, et puis d'autres dates aussi pour novembre. Grave, décembre. Ceux qui sont intéressés, venez sur les réseaux sociaux, VALD partout, vous allez trouver le flyer avec toutes les dates quelque part. Et décembre, je le rappelle aussi, la soirée du 31 décembre, puisque tu es déjà booké. Exactement. Si on Belgique. Pensait t'inviter pour le 31, c'est. C'est mort. C'est mort. Faudra aller à l'Esplanade. QNT2. Je sais même pas où c'est l'Esplanade. À Bruxelles, Teufin. Ah. Faut le savoir. Le mec n'invite pas, le mec est seul maintenant. Mais peut-être que tu es pris aussi pour le 31 déjà, Teufin. Non. Chiche. Ah. Je pense que c'est. Allez. C'est un appel, Val. Allez. Hein. Tu viens ou quoi? Ah, enfin. Vas-y. Un réflexe en Belgique. À l'Esplanade, donc 31 décembre, ça s'appelle la fucking New Year's Eve. Parfaitement. Ça va être chaud. S'il n'y a que des mecs qui écoutent Poisson. ça peut être le son du 31 décembre d'ailleurs, Poisson. Hein. Grosse soirée, je suis prêt. Valde. Prenez ça, prenez. Le mec va chanter dans un aquarium. Arthur et tout, vas-y, prenez. Allez-y. Allez-y, Poisson. Foncez, foncez sur ce morceau. Quel morceau on mettra d'ailleurs ce soir, Valde? Pour ce soir, j'aimerais bien qu'on renvoie de l'amour à tout le monde avec Selfie. Oui, Selfie, on va mettre. Pourquoi pas Carte sous le coude? Ah. Pourquoi pas, pourquoi voilà, pas. On l'a lancé hier, j'ai vu qu'il y avait de bons retours, alors bon, voilà. Et a priori, hein. Et a priori, il y aura aussi du live, tu le disais. Exactement. Puisque Al Capote est là. Nous allons interpréter Urbanisme en live, ainsi que les morceaux sur le projet de Al Capote. Al Capote qui est toujours aussi dans les bacs. Ça va chier, Al Capote est toujours dans les bacs. Ce sera tout à l'heure, on vous attend aussi pour la roulette qui tournera d'ici une petite demi-heure. Vous envoyez au 41759 votre prénom, numéro de téléphone 41759 pour faire tourner. On va retrouver Val dans un instant. Et Macklemore, on l'écoute maintenant sur Skyrock. Nouveau son de Macklemore. C'est Macklemore, Ryan Lewis dans Planète Rap entre 20h et 21h avec Vald. Ça te parle ça justement, ces genres de morceaux ou pas? J'écoute que ça toute la journée. Non, j'ai demandé ouais, les trucs ricains que tu écoutes beaucoup en ce moment, Vald. La dernière tape de Drake Future. Oui, qui est sortie là. Travis Scott, c'est intense, mais c'est un peu mou du genou en fait finalement. Je suis un peu déçu. Hein. Un petit peu déçu. Ouais, la mixtape de Young Thug, elle est incroyable. Et là, il y a son album qui sort demain, je crois. Donc. Non, la vie est belle. Vendredi, ouais. Peut-être la sortie aussi. Tout comme toi, mais tu vas être face à du lourd. Ouais, mais sinon, ouais, j'écoute que des énormes drogués américains. Et français aussi, avec Al Capote, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Pareil, hein. Pareil, même niveau. Pute. Ah merde, ça a baissé d'un cran. Non, je suis mal, mec. Tout à l'heure, t'étais plus en forme sur le. Non, normal, relax, Max. Bon, il y aura un live extrait, deux lives d'ailleurs, extrait de ton projet, Al Capote. Tes beaux yeux, Fred Musa. Avec grand plaisir, je te remercie. Et qu'est-ce ton museau. Qu'est-ce que tu nous prépares, Al Capote, en ce moment? Je te prépare Ténébreuse Musique, qui arrive très bientôt. Un album en commun avec Sid Sid. D'accord. Et voilà ce que je prépare. Et tu continues, parce qu'à une époque, tu savais pas trop. On sait pas trop de quoi demain est fait, frère. On vit au jour le jour. On est des survivants de l'enfer. Pute, sus. Un autre pour la route? Normal, mec. Relax, Max. Tu veux rentrer dans le concours, Vald, ou pas? Ou tu luttes pas avec Al Capote? Eh non, on ne lutte jamais. Ouais. Impossible. Ça risque moque. On va revenir dans un instant, on mettra d'ailleurs le morceau qui s'appelle Selfie. Parfaitement. Un très beau morceau avec trois clips, on le rappelle. Évidemment. Dont certains sont interdits à certains publics. Allez voir ça sur YouTube, régalez-vous sur Pornhub, la vie est belle. Je suppose que Al Capote, tu les as matés les trois. Lourd. Les trois. Lourd, Ian Scott, Nikita, lourd. T'as une préférence pour un en particulier ou pas? Le 3. Le 3, méga lourd. À foi. Normal. Bougez pas, on mettra le morceau qui s'appelle Selfie sur Skyrock avec Val, notre invité. La sortie, c'est le 25 septembre à une QNT 2. 20h, 21h, Planète Rap, Vald. Planète Rap. Skyrock. Avec Vald, Selfie, c'est un extrait de l'album qui sort vendredi 25. Oh, que des tétons. Doug. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte faillette. Elle veut que je lui tire les veuches, que je l'étrangle un peu. Beaucoup passionnément, à la folie si Dieu veut. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pull au vert. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cache que les bleus sous mon pullover. Et on fait des selfies en bisous sur la joue.

fils de fils de toi, maudit fils de fille de joie. DJ Weedle, fils de fils de toi, fils de fille de joie. Fils de toi, maudit fils de fille de joie. Des putes. Fils de toi, suce mon cervelet, j'envoie des perles de lait. ALKPOTE va te faire pleurer. Suce mon cervelet, j'envoie des perles de lait. CVALD qui va te faire pleurer. Al Capote vient cracher du feu. L'enfer sur ses sacrées suceuses. Je viens surfer sur la nébuleuse. Rien à foutre de ramener du buzz. Viens partager un instant de vie avec la néo-chrome infanterie. Je suis pas un bandit. Au mic, je provoque des putains de lyriques à l'incendie. J'ai de l'extasie sordide. Je m'infiltre comme dans métal, gire solide. Hélas, les chattes sont toutes pratiquement sèches. J'enfonce mes doigts gigantesques. Je sais que tu m'admires en secrète comme un trafiquant d'herbe. Attire la clientèle avec de la petite dentelle. Je veux partir en paix, que ma mort ne soit pas accidentelle. C'est pas un jeu, tu pleures sans instructeur. Ça vient du cœur, tu ressens la fureur. Y'a pas de surhomme, frère. J'compte sur son père. Aller au paradis, j'y crois dur comme fer. Tu vas moins rigoler quand mon DJ va venir. DJ Mela, tous les rats ont quitté le navire. Fils de fille de joie. Fils de toi. Maudit fille de joie. Salope. Fils de toi. Fils de joie, de joie. But. Fils de toi. Maudit fils de joie. But. Fils de toi. Salope, salope, salope. Suce mon cervelet, j'envoie des perles de lait. But, but. ALKPOTE va te faire pleurer. Suce mon cervelet, j'envoie des perles de lait. Brûle, je respire car je suis obligé. Si je reste clean, c'est le même motif. J'ergote que la vie, la mort confine sans l'être motive. J'ergote et faut-il que ça me plaise ou que je plaide fautif. Sur ta chenèque maudite, si je fais que maudit. Fier le montant du chèque, du mois, je suis plein de soucis. Comme ta grand-mère en fossile, je fais tanguer d'Aulné nord au sud. Je dors au sud ou rap en rockin, cher et cher. Cher shérif, j'ai la gerbe et de la terrine qui est cachère. Ce que je cherche, je ne suis que cher en jachère. Je ne suis que gérant d'un sex shop. Je vends des phases où je n'aime drop les putes du net. Porn up et casquette vente touch. Mec à l'ancienne qui sent beurre. Toi qui sent le touch. Je veux grande touch et grande burn. Pleure comme les enfants libyens. Pleure comme les syriens. Pleure comme le divin. Pleure si ça te fait pisser moins. Je me distingue ma génération. Échec mes passions. Donne la chienne. Comme quoi, toute pénétration. Bien sûr, Skyrock, les frères. Handgun T2, le 25 septembre. Ouais. Ouais. Ouais. DJ Weedle. Des putes. Mon poussin Jean Moulin, je me prends pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Chin à la vôtre. Voilà tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Piu. Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Ouais. Je suis un gentil bourreau quand je torture, je suis tellement serein. Ouais. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Ouais, y'a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Pute. J'regarde pas la télé, j'étudie l'ennemi. Sus. L'ennemi est joli. Pute. Mon ami. On est amis et maudits. L'ennemi est soli. Sus. Donc j'irai pas voter, mais j'irai quand même derrière le rideau pour faire semblant qu'il commence à dire que c'est très bien mon enfant. Et enfin j'aurai mon ocasse pour leur ironner quand je sortirai les mains vides. Des déficits et des fesses et des pertes, on peut détruire les défaire en détresse, endetté par leur fils français. Fais les dégâts, des graines. Tout ce qu'il nous faut pour faire l'amour toute la nuit jusqu'à la matinée. Voilà tout ce qu'il nous faut pour qu'on reste amis jusqu'à la prochaine matinée. Matinée. Voir les corps du démon s'agiter. Mon cœur une cavité, ma tête habitée. Mon corps scintille, les étoiles sont alignées. Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Chin à la vôtre. Voyons tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Ouais. Je suis un gentil bourreau quand je torture, je suis tellement serein. Ouais. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Ouais, y'a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Fume. On sait plus faire par ceux qui ont le bâton. Mec du bitume qui fait des sons de maçon. J'ai un sombrero, je suis le sombre garçon. Je porte que du vrai, pas de contrefaçon. Façon. façon. C'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. ALKPOTE, c'est moi le patron. Tous ces nouveaux rappeurs savent bien que je suis leur daron. Je peux pas relever tout le nombre d'affronts. Je vais te sodomiser sans te faire le coup du savon. Parce que par derrière, même si ça ne sent pas bon, pendant des heures tu boufferas mes macarons. Vas-y, suce bien si tu veux prendre du galon. J'encule les reptiliens et tous les pharaons. J'ai un long couteau, un tout petit canon. Les 13 capriers, Dieu et lui demander pardon. Quand je parle d'unité, sortez les napperons. Je suis comme Bruce Lee dans la fureur du dragon. John Travolta dans Opération Espadon. J'ai les yeux bridés, suivez au Japon. Je consomme du pilon, je prends pas de cacheton. Rouler un joint d'herbe avec un fil carton. Salope, salope, salope, salope. Mon pouce, un Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Exact, exact, exact, exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Pute. On a l'ennemi, la haine et les revêts dans nos mains. Sus. Voilà tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Voilà. Mon pouce, un Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Je suis un gentil bourreau quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans levain. Ouais, y'a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains. Jean Coba. Ray Smoke, Pixon. Dédicace Jean Coba. Je m'en bats les couilles, je dédicace Pixon et Ray Smoke. Jean Coba. Ray Smoke, Pixon, puce. Mon pouce, un Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Suce. À l'instant en live, Monsieur Vald et Al Capote, à l'instant en live avec une chorégraphie aussi incroyable, vous avez pas vu hein, parce que vous étiez en train de rapper, mais franchement il y a des mecs chauds dans le studio. Hein. Ah ouais, non, ils sont très forts. Ouais, ils sont très très chauds à Tunisiano. Ça se travaille ça frère. Non mais vous avez lancé des pas de danse incroyables. Hein. Ah c'est comme ça que ça se passe. Bifty. Je suis. Et ne font que ça. Bifty est dans cette pute. Bifty est dans le coin. Ah là, les messages avec le hashtag, c'est Vald sur souille. Skyrock. Julius. C'est toi le capote ou tu voulais encore passer 2-3 dédicaces, 2-3 petits messages, vas-y hein. Bisous à Zouzou, tiens bon frère. Rismok, viens dire Rismok. Rismok va faire les dédicaces mec. Ah ok. Ok, big up à la famille, 91, 9 francs, on connaît l'équipe. Niska, Skaoudi, les charros sont dans la place. LC, 1, 2, 3, l'équipe est brillée là. LMC Click aussi, les frères du Brini, et tout le 9 francs frère. Voilà, à l'instant, Vald, si tu as 3 petits messages aussi, n'hésite pas. Hein. Des bisous à Christophe. Voilà, je pense à toi. Joyeux anniversaire, mon vieux. Bye bye. Je te vois, pute. Le Planète Rap avec Vald et Al Capote. Est-ce qu'il y aura prochainement encore une rencontre entre vous deux ou vous arrêtez là pour l'instant? Tout est envisageable. Pour le moment, c'est pas forcément dans les tuyaux, mais tout est envisageable. Bon, et puis en attendant, vous avez entendu ces morceaux, vous le retrouvez sur le projet d'Al Capote. Parfaitement. L'Orgasme Mixtape 2, toujours disponible, pute. Voilà. Allez. NQNT 2 vendredi. Et vendredi NQNT 2. Le 25 septembre. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, on finit avec un morceau. Est-ce qu'on remet un petit coup de bonjour, Vald? Est-ce que on se met bonjour ou un nouveau morceau? Qu'est-ce qu'on fait? Un nouveau morceau. Tunisiano, tu dis. Tu dis quoi? Ça serait bien, d'opter pour un nouveau sommaire. Un petit infanticide. Infanticide? Allez. Un petit meurtre d'enfant. Sur l'album de Vald. Vous allez entendre des choses particulières hein, sur cet album. On va écouter donc ce morceau maintenant qui est extrait de NQNT 2, ça sort vendredi. Bye bye. Et c'est dans Planète Rap. Chiche. Dédicace à Benkel. Kafren. Dédicace gros. Ne reste pas seul dans le bois. Boogieman est en bas. Des bâtards fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit. Reste pas seul dans le bois. Boogieman est en bas. Des bâtards fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit. Reste pas seul dans le bois. NQNT 2. Boogieman est en bas. Des bâtards. C'est vendredi que ça se passe. Prends tes jambes à ton cou petit. Reste pas seul dans le bois. Boogieman est en bas. Des bâtards fait des grands pas. Grands pas. Le Père Noël vend de la dope et fait rarement cadeau. Bon, y'a des parents, c'est bien marrant, mais des amants, sadomaso, des Amazones. V'là la dose de conneries sur Amazon, des caparos. J'apparais à torpille et tadaron, c'est moi marrant. Pour Golerie, faut Ken, mec, organise des gangbangs. La vie, c'est des coups de ceinture sur une paire de fesses blêmes qui simulent. Qu'est-ce que tu dissimules? Qu'est-ce que tes yeux fusillent quand ton espérance diminue? Après chaque minute, certains gaspillent plus, même exploitent chaque fissure. T'éclates la figure. Pour tes gratabitures, tes sapes, ta ficelle, faut des aptitudes. Pour assurer ta sécu, sinon des Lannister. Pour être cassé le cul, de manière assidue, y'a que trois issues. Plus de fragiles putes à Paris plage. J'ai des amis plus là, quand tu vois le marécage, nique ma race si tu veux, mais là je récapitule. Y'a des gars plutôt décapités, des capitaux, la capitale et des particules. Ah bah mince, alors si t'es seul, prends tes jambes à ton cou. Ne reste pas dans le bois des sans-papiers pour éventer ton boule. Et puis fais des grands pas. Dans l'escalier n'y traîne pas beaucoup. Tous les démons sont sous des mensonges. Tous les démons sont choux. tu l'y vas, ne gambade. NQNT2 le 25 septembre, dans deux jours, bordel. Coucou petit, reste pas seul dans le noir. Tu l'y vas, ne gambade. Et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit, reste pas seul dans le noir. Tu l'y vas, ne gambade. Et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit, reste pas seul dans le noir. Tu l'y vas, ne gambade. Et ce bâtard fait des grands pas. Grands pas. Oui, c'est bien sûr qu'on blase, et ton fils ton brave. Si tu bois mes paroles, tu vas puer de la gueule. Écoute la métaphore, c'est comme sniffer de la com. Mes petits, je t'interdis de venir sucer ma queue. Oui, c'est bien sûr qu'on blase, et ton fils ton brave. Si tu bois mes paroles, tu vas puer de la gueule. Écoute la métaphore, c'est comme sniffer de la com. Mes petits, je t'interdis de venir sucer ma queue. Le temps passe et n'attends pas, t'es plus proche du trépas que tu ne le penses. Si tu danses avec le diable, peut-être que Dieu te fera une demande. Justement, le pacte t'est signé à ta naissance. Et tu verras que l'humanité dans ton anus glissera juste le gland. Juste le gland, oui juste le gland. Mais les keufs mettront plus de doigts. Car si t'es vraiment con petit, sache qu'ils le sont plus que toi. Plus de lois, plus de tares. Et plus de tares et plus de lois. Bienvenue dans un monde où toutes les putes se croisent. Mais t'en as rien à foutre, la vérité c'est ça. Tout se résume à débiter des chats, à débiter des cartes de crédit. Tu rêves de strass et de paillettes, tu vas sniffer des traces et fumer des spiffs. Tu diras que tu niques l'état, mais c'est lui qui te biffe. Oui, demande à Wikileaks et tu trouveras malin de porter des armes pour venger tes amis. Tes amis, c'est qui, c'est quoi? Ceux qui te balancent des bises des fois, ou bien ceux qui aiguisent les lames quand s'agitent les flammes de la fin de la partie. Les enfants de la patrie sont partis, tu les trouveras sur Google en attendant le diable gambade dans le noir et toi t'es tout seul. Boogeyman gambade et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit, reste pas seul dans le noir. Boogeyman gambade et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit, reste pas seul dans le noir. Boogeyman gambade et ce bâtard fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou petit, reste pas seul dans le noir. Boogeyman gambade et ce bâtard fait des grands pas. Grands pas. Elle tu étais deux. Le morceau s'appelle Infanticide, titre inédit qu'on retrouve sur le projet de Vald. Parfaitement, l'unique NQNT2. Le plus grand feat de l'année. C'est ça, à l'instant. Voilà. Sur Skyrock, le son avec Vald qu'on écoutait. Merci pour cette soirée, Vald. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Allez, à moins que tu veuilles décrocher une dernière fois, si jamais ça appelle, au 06 71 74 84 15. C'est le téléphone pour joindre la ligne directe, pour joindre Vald à n'importe quel moment. Allô. Allô. Allô. Ouais. Salut, comment t'appelles-tu? Et toi, comment t'appelles-tu? Ah. Alors là. Ah, c'est une bonne question. Oui. Allô, oui, c'est Vald. C'est Vald. Oui. Ah, c'est Vald. Bonjour. Ah bah voilà. Salut. C'est Billy, c'est pour qui il appelle. Alors, qu'est-ce que tu veux, bordel? Ah, va te dire bonjour. Ça fait plaisir. Bonjour. Regarde-le dans les yeux quand tu lui dis bonjour. Ah, moi, c'est Clément. Ah bah Clément. Clément. Clément qui habite. Où habites-tu? Je voulais te demander. Ah, il s'en fout. Le printemps de Bourges, ça t'intéresse ou pas? À mort, gros. Parce que c'est l'organisateur du printemps de Bourges. Qui es-tu? Nous avons Clément qui est le patron du patron de Bourges, du printemps de Bourges. Peut-être. Vas-y, un fake écrou, Clément. On aimerait bien te voir sur Bourges. Ah, bah ouais, mais moi aussi j'aimerais bien m'y voir, t'imagines? Prendre une cuite ensemble. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Ouais. Bon. Même pas si c'est au concert, rien, juste picoler en fait. Il fait des concerts dans les bars aussi. Ouais, c'est ça en fait. Donc peut-être bientôt sur Bourges. Peut-être un jour, frérot, peut-être un jour, c'est pas, je sais pas. J'espère, je prendrai ma main. T'es lourd. Merci en tout cas à Clément d'avoir, d'avoir fait cette proposition pour le printemps de Bourges. Passe une excellente soirée, Clément. Et passe une bonne soirée, Clément. Bonne soirée. NQNT2 demain, mec. Après-demain, bordel. Ah bah je vais l'acheter, mec, vendredi. Chiche, t'es lourd. Vendredi 25, c'est la sortie du projet. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Avec Alan de Vesoul. Salut Alan. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va, écoute, en pleine forme avec Vald cette semaine dans le Planète Rap. Ah, c'est de la bombe, hein, c'est de la bombe, ni queue ni tête, c'est bon. NQNT2, ça sort vendredi. Et toi, tu es prêt à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti. Ah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui s'arrête sur la case. Eh ben voilà, place de ciné plus le jeu PES 2016. C'est pour toi, Alan. On t'envoie ça du côté de Vesoul. Ah, je vous remercie bien, l'équipe. A plus, mon pote. Ciao, passe une bonne soirée. Merci à Tefa d'être passé ce soir. Grave. Un petit mot pour conclure, Tefa. Écoute, 25 septembre, voilà. Acheté NKNT2. Merci à Tunisiano qui était là aussi. Bah merci l'équipe, Big Up à Vald. Si, le projet, si. Il arrive, hein, NQNT2, si, à pas si. Oublier, à suivre de très près. Si, si. Donc voilà. Et merci à Succomb Blazadé qui était là aussi. À Succomb Blazadé, à Al Capote. Et Al Capote qui le était là aussi. Game. Exactement. Merci Al Capote. On attend donc le prochain projet, c'est quoi plutôt pour 2016 a priori ce que tu prépares. Merci à vous, horrible suceur. Au revoir, monsieur. Je crois que c'est la phrase c'est de l'amour, pour conclure ce planète rap. Ouais, je crois que c'est beaucoup d'amour pour conclure ce planète rap et pour retrouver Difool maintenant. Merci, oui. Sur ce, je pense qu'on peut démarrer. Nous, ouais, je pense que vous pouvez attaquer. C'est bien. Et des putes demain aussi encore. Ouais. Hein. Ah, demain à partir de 20h, loupez pas le rendez-vous. Ah, 20h, le rencard. Planète rap, des putes et des putes, Vald, Fredo. Et tous les autres. Merci Tunisiano, merci Al Capote et tous ceux qui sont passés ce soir, Tefa. On vous donne donc rendez-vous 20h, 21h. Ce soir sur Skyrock. Parce que qu'est-ce qu'il y a ce soir, ça va déchirer dans tous les sens ce soir. Il y a du rugby, il y a du foot. On suivra le match de l'OM contre Toulouse. À Toulouse ce soir, on fait un point sur les autres résultats. Saint-Etienne est à un point du PSG. C'est la folie. Saint-Etienne a gagné 1-0 contre 3. Je vous annonce déjà le résultat de la soirée. Le résultat que tout le monde attendait. Ah, c'est sûr. Et je crois que c'est une histoire aussi. C'est un vieux match quoi. Qu'est-ce que j'entends dire dans mon casque? J'entendais quelqu'un de désagréable avec une voix chauve. Saint-Etienne 3, ouais. Et d'abord, c'était 3 Saint-Etienne Romano. Fais pas rêver quoi. Apprends le bon match de football. Bah, je suis rugby, moi. Toi, t'es rugby. Donc, Romano, rugby, les autres, football, et puis vous tous. Ouais. Vous restez aussi. Hein. Si vous avez rien à foutre du sport, vous pouvez rester avec nous. Au 01, tu peux rester, Cédric. 01 53 40 30 20 pour nous appeler, le 41 759 pour nous laisser des messages. L'appli Skyrock pour nous laisser des messages de skyrock.fm, les réseaux sociaux. Enfin, vous faites tout péter. Et demain, c'est à toi et à Val de faire tout péter. Le retour. Ah, bah, on attend ça avec impatience. Juste avant 20h. Ouais, 20h, 21h. L'émission classée X cette semaine. Ah, ça, c'est sûr. C'est Planète Rap. N'oublie pas, et elle est chaude elle aussi. Bah tiens, on va la retrouver tout de suite. Qui c'est? Eva Simons. Eva Simons. Elle est sympa, Eva Simons. C'est vrai, elle est sympa, Eva Simons. Enfin, je pense, ouais. Ah, tu la connais pas plus. Ça avance. Ouais, c'est une conne. Oui, on sait jamais. On ne sait pas. Gros morceau, oui. Mr. Policeman pour démarrer la soirée. Et c'est parti avec vous tous et vous toutes en direct. On mate vos messages. Vous venez faire de la radio avec nous jusqu'à minuit. Allez, go. Ciao, Fredo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Il les appelle dans toute la France. Pour 1500 euros, quelle est ta...